Tu appartiens à la Stella. Oui. Ne vient-elle pas de Milan? Oui. Aime-t-elle quelqu'un? Oui. Hoffmann? Oui. Donne-moi cette lettre. Tiens. Et va-t'en au diable. Oui. Voyons si la maîtresse est aussi monosyllabique que le valet. Tiens. Une clé. Cher Hoffmann, je t'attends dans 2 heures après la représentation. Je t'aime, Stella. Ah, les femmes. Non, cela ne sera pas, chère prima donna. Et dans 2 heures, c'est le conseiller Lindorf qui ouvrira discrètement la porte de votre boudoir parfumé. Je sais que je suis pitoyable et j'ai dans l'esprit comme un diable, comme un diable. Mes yeux lancent des éclairs, j'ai dans tout le physique, j'ai dans tout le physique un aspect satanique qui produit sur les nerfs des fées de pile. Oui, chère prima donna, quand on a la beauté parfaite, on doit redevenir un poète, un poète. De ce boudoir parfumé que le diable m'emporte, si je n'ouvre pas la porte, mon rival est aimé. Le premier acte de Don Juan vient de finir. Il paraît que notre cantatrice a du succès. 2 heures devant moi. L'ami Hoffmann va venir. Surveillons-le jusqu'au moment du rendez-vous.